C'est pour ça qu'on est différents. وَنَاسُ كَذَلِكَ يَتَفَاوَتُونَ بِالتَّقْوَى كَمَا قَالَ تَعَلَى. Et même les gens en sont, ils sont différents selon leur piété.